elle les fait danser. Donc je le traduis en français. Yeah. Organisé comme Ohazi. Elle va percer si je la fiance. Madrid, Paris, London. Je vais leur faire une 4-4-2. Franzosen, Berlin, Allemande. Ribéry, Kaiser, Rabadab. Kardashian, Arbi. Chiptari, Ghanoua. Je suis une légende comme Hasni. Ils veulent me tuer dans le noir. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc je vais dans le street. Hayati, je chante Hayati. Millionnaire qui sort de la city. Hayati, Hayati. Millionnaire, donc je vais dans le street. Je comprends non, la famille est plein de bêtes. En tant que bien, je suis mon nom et ma paix. Dein Rap wurde vom Mero durchgenommen. Dein Rap, wir kriegen genau das, was sie wollt. Tut mir leid wegen dem Hype und dem Erfolg. Mache Mache, was sie sehen. Wir sind international im Game. Francier bis Germany. Business Cast, Sammy Red, sei dead und trage im Burberry. Kip Hennessy am Block. Platz ist die Molotovs. Schmeißen auf jeden Kopf. Straße, Mama, the fuck.